Sweet and fire, ah yes. Là je le prends bien. Earth, Wind and Fire, ouais, je veux bien. Rhythmic and Earth, Wind and Fire. Harmonic and Wind, Earth, Wind and Fire, je le prends bien. Ah. Enfoiré le Steph. Bravo. J'en profite quand j'ai le micro pour les percus. J'aime bien. Ah oui, voilà. Est-ce que c'est ça? Je dois bien avouer. Ben écoute, il va se nerfer. Le clavier, machin, enfin, d'où non, c'est de Ramsey Lewis. Ben, toi, pour qui tu connais? Ah, Brasilica. Brasilica. Ok, c'est noté. C'est noté. Qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé le double basse là? Il écoute quoi? Ouais, moi je peux pas trop déclencher l'internet avec avec la MAO qui est lancée, ça. Je suis trop juste. Je suis trop juste en mémoire. Mais bon, pourquoi pas? Je copie le lien. Je copie le lien. Je serai moins bête. Alors, la source DB. Et hop. Et non. Putain, depuis le temps. Voilà, source DB. Bingo. Ba ba ba ba.